Merci Thomas pour cette très belle introduction. Donc merci aux organisateurs du séminaire Demos de m'offrir l'opportunité d'ouvrir cette séance de séminaire qui s'annonce très prometteur pour les séances à venir. Donc tu l'as dit, mon intervention s'intitule « Intégration internationale, souveraineté nationale et coordination supranationale, la réconciliation du plan Keynes ». Alors mon propos va s'inscrire dans le propos qui est d'ailleurs défendu par d'autres intervenants de ce séminaire, puisque je me situe dans les approches défendues notamment par Massimo Amato, qui travaille beaucoup sur cette question avec Luca Fantacci. Et donc ce travail porte sur le plan Keynes qui est, comme tu l'as dit, la dernière tentative de coordonner les nations pour favoriser une émancipation tout en évitant une extension de la souveraineté des États qui générerait une érosion de la souveraineté d'autres États. Alors, le plan Keynes, c'est une proposition de réorganisation du système monétaire international qui date de 1943. Keynes a commencé à plancher dessus à la fin de 1940, mais la proposition est publiée officiellement comme un white paper britannique en 1943. Notre communication elle a pour objectif de montrer que le plan Keynes reste la proposition la plus adéquate pour surmonter les contradictions du système monétaire international, y compris lorsque sont prises en compte les réalités du monde d'aujourd'hui, en particulier l'interpénétration des économies. Celles-ci peuvent laisser penser que les problèmes d'aujourd'hui seraient fondamentalement différents de ceux de l'époque de Keynes, mais il n'en est rien. Le plan Keynes avait pour objectif de rendre soutenable l'intégration et l'ajustement de pays liés entre eux par des échanges internationaux. Or, plus les nations participent aux échanges, plus les problèmes découlant de l'intégration internationale sont susceptibles de se poser pour elles de manière aiguë. Donc, si l'on s'en tient à cet argument, le plan Keynes, l'intérêt du plan Keynes est encore plus important aujourd'hui qu'il ne l'était en 1943. Donc une contradiction majeure à laquelle le plan permettrait de répondre peut se résumer ainsi. L'exigence de souveraineté politique par les nations prenant part aux échanges internationaux rentre en conflit direct avec l'intégration internationale. Alors à l'époque de Keynes, la délégation britannique qui était menée par Keynes exigeait principalement de conserver la possibilité de mener des politiques de plein emploi et d'éviter d'être contraint à un ajustement déflationniste à cause de la balance des paiements du Royaume-Uni, qui était déficitaire. Alors par souveraineté, on entend la capacité d'un peuple à décider du destin de son économie. En pratique, la souveraineté d'une nation est de toute façon contrainte par le reste du monde. Ça doit être clair. À partir du moment où on appartient à ce monde, on est contraint par le reste du monde. On souscrit à l'analyse de Fourquet, selon laquelle l'économie est avant tout mondiale et ce qui se passe à l'échelle nationale est surdéterminé par ce qui se passe à l'échelle du monde. L'intégration internationale, c'est évident, elle détermine aujourd'hui les agendas politiques par la mise en concurrence des économies sur le plan fiscal, salarial, technologique, environnemental. Donc pour faire face à ces contraintes, les pays ne peuvent au mieux que faire un choix simple et radical entre ouverture et fermeture, avec tous les degrés intermédiaires qu'on voudra, sachant que le monde extérieur s'invitera toujours, soit par l'influence, soit par la violence. Donc là, je paraphrase François Fourquet. Cette communication, elle montrera néanmoins que l'unilatéralisme du système monétaire international octroie à la puissance émettrice de la monnaie, les États-Unis, un avantage supplémentaire qui lui permet d'influencer et même d'orienter les politiques économiques des pays qui font usage du dollar américain. En l'absence d'une monnaie proprement internationale, les participants aux échanges utilisent des monnaies nationales et en fait seulement un petit nombre de monnaies nationales pour procéder aux paiements internationaux. Ils sont aujourd'hui largement incités à faire usage de la monnaie américaine de par les avantages économiques que celle-ci procure. performance en termes de liquidité, de rapidité et d'acceptabilité généralisée. Ce faisant, ces participants aux échanges, ils s'exposent à un certain nombre de problèmes dont certains sont bien connus et d'autres moins. Alors, avant de continuer, hein, les atteintes à la souveraineté que nous allons détailler sont plus nettement observables dans les pays dits en développement, mais l'exposé que nous allons faire reste valable pour tous les pays faisant usage d'une monnaie nationale étrangère dans leurs échanges internationaux. La première section, elle rappellera les problèmes liés à l'accès à la liquidité. Ce problème fait référence à un aspect quantitatif qui est lié aux pénuries qui se manifestent durant les périodes de crise et aux difficultés que le système monétaire éprouve lorsqu'il doit y faire face. Puis, dans une seconde partie, on va traiter des problèmes d'accès aux infrastructures de paiement. Ce problème, il est plutôt d'ordre qualitatif. Il fait référence aux sanctions dont la puissance émettrice de la monnaie peut faire usage à travers le contrôle qu'elle exerce sur les infrastructures centralisant les paiements. L'un comme l'autre sont des éléments majeurs de normalisation politique, entre guillemets normalisation, c'est-à-dire qui favorisent de la part de l'économie utilisant une xénomonnaie un alignement de la politique économique, de la politique étrangère, sur celle de l'économie émettrice. Et donc la troisième partie, à laquelle on va vite arriver, hein, se concentrera sur l'intérêt que présente le plan Keynes pour répondre aux deux problèmes soulevés dans les parties précédentes. Donc, le problème de l'acquisition de liquidités internationales n'est pas nouveau. Il avait déjà été identifié par Keynes et aussi par des économistes allemands dans les années 20 et 30, comme par exemple le ministre Hjalmar Schacht, qui était le ministre de Hitler. Donc, Keynes l'avait identifié dès la fin des années 20 dans The German Transfer Problem, un texte publié en 1929. Alors, outre l'effort nécessaire que l'Allemagne devait dégager pour obtenir un surplus budgétaire pour rembourser sa dette de guerre, elle devait fournir des efforts supplémentaires pour acquérir la devise qui servait au remboursement de cette dette. Donc il y avait non seulement le problème budgétaire, mais un problème de transfert, l'opération de transfert. Cet effort, il s'impose de fait à l'ensemble des pays qui sont contraints d'utiliser une monnaie étrangère pour accéder aux échanges internationaux. Alors d'autres auteurs ont appelé ça une contrainte de survie. Donc cette contrainte, elle réduit largement ce qu'on appelle le policy space des usagers du dollar. Donc elle peut être expliquée selon la logique suivante. Donc, imaginons une entreprise F située en Malaisie qui a besoin de dollars américains nécessaires à ses importations de biens d'équipement et à sa trésorerie. L'entreprise va devoir emprunter un montant de dollars, un montant déterminé de dollars. Mais elle devra rembourser à échéance ce montant de dollars plus un intérêt, lui aussi en dollars, qui est associé à ce prêt. Alors grâce aux dépenses de biens d'investissement et de biens d'équipement à la mise en route de la production, l'entité elle va exporter, elle va générer des revenus. Donc grâce à ces revenus d'exportation, elle pourra rembourser le prêt. Mais à une condition, il faut que les revenus d'exportation soient supérieurs non seulement au montant du prêt, mais également aux intérêts du prêt. Donc cette contrainte de survie, elle induit une pression compétitive qui pèse sur les marges de manœuvre du pays, et elle est d'autant plus pesante que les pays sont en concurrence sur les marchés d'exportation, c'est-à-dire qu'ils se mettent en concurrence entre eux pour survivre, ce qui accentue, c'est un cercle vicieux. Et c'est sans tenir compte de la contrainte en plus du profit. Le problème de l'accès à la liquidité apparaît encore plus clairement sous une autre forme dans les épisodes de crise économique majeure, lesquels donnent lieu à des rapatriements brutaux de capitaux et à un gel des crédits interbancaires. Alors, la crise de 2008 en a donné un exemple assez fameux. La crise de 2008, c'est d'abord une crise qui touche le capitalisme anglo-saxon. D'abord l'économie américaine, et puis dans une moindre mesure l'économie britannique. Mais la crise de confiance et la fébrilité du système bancaire américain ont toutefois généré des graves dysfonctionnements dans le financement du commerce international. Or, le problème, c'est que la monnaie américaine, c'est celle qui est utilisée dans le financement du commerce international. Et donc, les échanges internationaux reposent sur un système bancaire dont le centre nerveux reste aux États-Unis. Donc, par exemple, des pays comme la Corée du Sud, c'est un exemple qui est souvent évoqué par les analystes, par exemple, de la Banque des règlements internationaux. Hein, la Corée du Sud, qui est un pays qui avait des indicateurs macroéconomiques assez sains, hein, qui n'aurait pas dû être impacté par la crise des subprimes, hein, puisque c'est une économie qui avait, encore une fois, des indicateurs très corrects, s'est retrouvé concerné par une pénurie de dollars, hein, du fait d'un accès au dollar beaucoup plus difficile. Et en fait, c'est toute l'Asie du Sud-Est qui, elle, avait réussi à, avec succès, une stratégie d'exportation permettant la rentrée de devises. Hein. Toute l'Asie du Sud-Est a été impactée. Et d'ailleurs, cela a été une des motivations majeures de l'internationalisation par la Chine de sa monnaie depuis 2009. C'est une réaction à une crise de liquidité. Alors, ce problème était prévisible et en fait, il n'est pas nouveau. Ayant eu très tôt conscience du problème de la rareté de la monnaie internationale, en fait, dès Bretton Woods, les gouvernements ont créé des institutions pour essayer de réallouer la liquidité internationale. Alors, la tentative de l'économie mondiale de se doter d'institutions telles que le Fonds monétaire international, qui est créé en 1944 par les accords de Bretton Woods, ou de se doter d'instruments tels que le DTS, donc qui est les droits de tirage spéciaux qui sont rattachés au FMI et qui permettent aux pays membres du FMI qui connaissent une crise de liquidité d'emprunter des liquidités au Fonds monétaire international. Donc ces tentatives hein, qui sont censées redistribuer la liquidité se heurtent à un écueil important, le problème de l'impossibilité de connaître à l'avance les besoins en liquidité générés par les échanges internationaux. Ce problème avait déjà été démontré par Keynes, hein, qui cherchait à défendre son plan et qui expliquait qu'on avait besoin d'une institution qui fournit, qui doit pouvoir fournir des liquidités autant que de besoins quand il y a des crises. Donc Amato et Fantacci ont exposé précisément le raisonnement hein, dans le cadre d'une redistribution de liquidités sous forme de monnaie nationale par des fonds créés à cette fin. Il est difficile d'estimer à l'avance de combien seront les besoins et donc de combien le fonds devrait être doté au départ. De même qu'il est complexe de systématiser les règles de distribution, de prévoir des règles à l'avance. Mais dans le cadre du système hérité de Bretton Woods, ces manquements résultent des préférences américaines en la matière. Donc, d'après l'économiste Randall Inshaw, qui travaillait à la Réserve fédérale américaine, à l'époque de Bretton Woods, les États-Unis devaient être capables, je cite, hein, de maintenir un contrôle étroit sur le montant total de l'assistance, le taux d'intérêt et la direction de l'assistance, ce qui interdisait l'adoption du plan Keynes, qui, lui, prévoyait un système de découvert automatique, autant que de besoin pour les échanges internationaux et pour n'importe quel membre de ce fonds, hein, donc quelle que soit sa situation politique, quel que soit le contexte, etc. Alors, dans les institutions qu'on a héritées de Bretton Woods, hein, qui sont celles dont on vient de parler, pour se prémunir des épisodes de pénurie de liquidités, tous les gouvernements des pays qui n'émettent pas la monnaie internationale, c'est-à-dire les N-1 gouvernements, dans un monde où il y a N pays, ils doivent développer des stratégies complexes. Alors, beaucoup tentent d'éviter toute pénurie en développant des stratégies d'accumulation de réserves de change à travers des politiques mercantilistes, hein, ce qui revient à intérioriser pour de bon la contrainte de survie, donc à mener des politiques pénibles, hein, avec des efforts considérables demandés aux populations, hein, puisque les populations doivent rester compétitives, limiter leurs importations, ce qui signifie une pression sur les coûts. Donc on l'a dit tout à l'heure, hein, mais la concurrence internationale, elle rend les résultats de ces stratégies mercantilistes très, très incertains, hein, tout en accentuant les pressions déflationnistes. Une autre solution qui a été par contre réservé à un nombre réduit de pays, hein, c'est la signature d'accords de lignes de crédit swap avec la réserve fédérale américaine pour se prémunir de tout risque de pénurie. Alors ces accords se sont développés suite à la crise des subprimes, donc à partir de 2009-2010. Hein. Ils sont représentés dans un schéma que je peux mettre à disposition. Les États-Unis se trouvent donc au centre d'un réseau de coopération entre banques centrales qui a pour but de maintenir constant l'approvisionnement en dollars dans les pays où les canaux privés habituels, c'est-à-dire le canal des banques commerciales, ne parvient plus à assurer cette tâche. Donc les États-Unis ne sont pas les seuls d'ailleurs à avoir opté pour une stratégie de développement de contrats bilatéraux entre banques centrales. La Chine a également tissé de nombreux liens avec des banques centrales étrangères, y compris dans le monde en développement, en fait surtout dans le monde en développement. Alors, comme l'a montré une étude récente hein, parue dans la revue donc Review of International Political Economy, l'octroi de lignes de crédit par la Banque centrale américaine a néanmoins respecté des critères qui ne se sont pas limités à des dimensions économiques hein, et qui suivent également l'agenda politique et diplomatique des États-Unis. Donc on a des pays qui ont pourtant une exposition au dollar assez importante et où les banques américaines sont exposées, qui n'ont pas été sauvées par la Fed. Enfin, disons que la Fed n'a pas ouvert un canal pour eux, alors que des pays plus petits, moins exposés, ont eu droit à leur ligne de crédit swap. Alors, juste pour faire simple, un swap dans le cadre ici des lignes de crédit entre banques centrales, c'est comme si vous avez un canal habituel de liquidité, donc par le financement privé, ce canal est saturé, vous faites une sorte de pontage, vous ouvrez un autre canal et puis vous assurez la liquidité par le canal des banques centrales. Moyennant une petite prime, c'est un canal qui a un coût forcément, mais ça permet de ne pas assécher en liquidité ces institutions. Enfin, et puis le système bancaire de ces pays. Donc, dit autrement, la réserve fédérale, elle joue le rôle de prêteur en dernier ressort international, mais en favorisant une liste restreinte de pays alliés. Donc ça, c'est le problème de la fourniture de liquidités internationales qui n'est pas constant qui ne respecte pas forcément des dimensions uniquement économiques. Donc j'en viens au deuxième point, le problème de l'accès aux infrastructures de paiement. Alors ce problème, il est peut-être moins bien traité par les économistes parce qu'il touche au système de paiement et les systèmes de paiement sont des infrastructures un peu plus techniques. Et pourtant, il se pose de manière très très concrète aujourd'hui. Alors, faut d'abord que je revienne sur quelques principes de base des systèmes monétaires modernes aujourd'hui. Alors aujourd'hui, les systèmes monétaires reposent sur des systèmes de paiement. Un système monétaire, c'est un système de paiement en premier lieu d'ailleurs. Et les systèmes de paiement que nous utilisons, ils sont hiérarchisés. Les établissements bancaires créent de manière décentralisée la monnaie à l'occasion des opérations de crédit. En revanche, ces mêmes banques commerciales, les établissements bancaires, ils n'acceptent pas en guise de règlement des opérations interbancaires les moyens de paiement que ces établissements créent eux-mêmes par jeu d'écriture. La monnaie que les agents non financiers utilisent, les agents non financiers c'est vous et moi, les agents non financiers utilisent la dette des banques comme moyen de paiement, mais nul ne peut régler sa dette par l'émission de sa propre dette, et les banques commerciales savent très bien cela. Donc les banques commerciales qui sont en concurrence entre elles s'inscrivent donc dans une relation complexe de soumission volontaire à des institutions centralisatrices, lesquelles vont fournir les moyens de paiement interbancaires, assurer le bon déroulement des opérations interbancaires et être des passages obligés pour l'accès au système de paiement. Donc pour que leurs écritures soient interopérables, pour que le système monétaire conserve son unité, les banques respectent scrupuleusement un cahier des charges et se soumettent à une institution qui se situe au-dessus d'elles, et c'est la Banque centrale. Donc sans cela, les banques pourraient se voir privées des opérations interbancaires, ce qui reviendrait à les exclure du système, hein, ce qui reviendrait à en faire autre chose que des banques. Donc une telle sanction, hein, l'exclusion, c'est la coupure de l'accès au système de paiement et la liquidation de la banque. Or, les institutions qui centralisent les comptes, qui exécutent les paiements, elles sont aussi confrontées à des réalités temporelles, spatiales et politiques. Donc elles doivent se soumettre à la loi qui s'applique aux institutions financières et non financières. Et pour cette raison, les institutions du dollar américain, elles appliquent les lois américaines. Et donc le système de paiement en dollars qui se compose en gros du système de paiement de la Réserve fédérale américaine, hein, qui est la Banque centrale américaine, le système de paiement en dollars se compose de ce système de paiement et d'une chambre de compensation interbancaire qui, en gros, est une innovation majeure qui permet des économies de liquidité énormes. Mais bon, cette chambre de compensation, de même que la Réserve fédérale, doivent appliquer les règles qui s'imposent sur le sol américain. Et donc, dans ce cadre-là, le gouvernement américain, quand il émet des recommandations sur les entités avec lesquelles il est interdit d'échanger, elle impose aux institutions qui centralisent les paiements d'interdire, hein, à toute institution bancaire qui se situe en dessous d'elle d'utiliser le système de paiement, de proposer des services de paiement à ces entités. Donc l'institution qui est mobilisée s'appelle l'OFAC. OFAC, c'est Office of Foreign Assets Control. Et donc c'est une institution qui a placé par exemple l'Iran aujourd'hui, hein, sur liste noire. Et donc il est absolument interdit à tous ceux qui utilisent des systèmes de paiement en dollars de faire des transactions avec l'Iran, sous peine de sanctions. Donc parfois, c'est des entités qui sont écrites sur cette liste noire de l'OFAC, hein, voilà, le Hezbollah ou d'autres entités particulières qui sont inscrites. Parfois, c'est un pays entier, donc l'Iran, par exemple. Donc la banque BNP Paribas, elle en a fait les frais, hein, en 2014, en payant une amende record de 8,9 milliards d'euros, après avoir été traduite en justice pour avoir réalisé des transactions, hein, avec des entités figurant sur la liste noire. Iran, Soudan, Cuba. Alors cette arme, elle est non seulement punitive, hein, la menace de déconnexion, hein, elle est surtout dissuasive. Alors l'économie française, pour ne citer qu'elle, est aujourd'hui largement impactée par cet état de fait. Si la France décidait de reprendre aujourd'hui son commerce avec l'Iran, les entités françaises se verraient rapidement interdire l'accès non seulement au marché américain, mais aussi au système de paiement en dollars, c'est-à-dire l'accès au marché mondial. Donc tout bien pesé, hein, la France préfère renoncer au marché iranien. La France a donc fait le choix à contre-cœur de suivre la diplomatie américaine et donc de se retirer de fait à son tour de l'accord sur le nucléaire iranien. De ce point de vue-là, c'est la France qui s'est retirée, hein, par cette contrainte de la menace de déconnexion. Alors par contre, hein, il convient de relativiser l'importance de la dimension monétaire. C'est très important, mais il faut aussi relativiser. Il faut relativiser l'importance de la dimension monétaire dans l'exercice de l'hégémonie américaine et ne pas négliger la puissance militaire américaine. Alors je m'explique, hein, l'économie française, elle a surtout eu peur de perdre l'accès au marché américain. Ce qui n'est pas lié directement au dollar américain. Alors pourquoi je dis ça? Parce que l'Europe, disons, il y a trois pays qui ont lancé une initiative qui s'appelle Instex, avec la France, le Royaume-Uni et l'Allemagne. Et ces trois pays ont créé un mécanisme de compensation avec l'Iran pour éviter d'utiliser le dollar américain. Donc ce mécanisme de compensation devrait permettre de poursuivre des transactions avec les firmes iraniennes sans utiliser le dollar. Et malgré ça, donc il y a eu beaucoup de mauvaise volonté, il y a eu beaucoup de retard pris dans l'exécution de cette institution, mais d'après les communiqués qu'on peut lire, elle est opérationnelle. Mais malgré ça, les entreprises françaises se sont tout de même retirées d'Iran. Donc c'est-à-dire que même sans l'usage du dollar, en fait, elles se sont quand même retirées parce qu'elles ont peur des sanctions américaines et l'interdiction de pouvoir vendre sur le marché américain. Voilà, d'où la nécessité quand même de relativiser et de mettre aussi en perspective la puissance monétaire avec la puissance militaire, hein, qui est très très importante, évidemment. Alors, donc j'en viens à la proposition de Keynes, hein, qui pourrait constituer une base intéressante dans l'optique du désarmement monétaire des États-Unis et donc la mise en place d'un système qui soit véritablement international, véritablement multilatéral. Donc le plan Keynes, hein, il désigne la proposition de réforme présentée par la délégation britannique en 1943 en préambule des négociations qui auront lieu par la suite avec les États-Unis et quelques autres pays qui jouent un rôle mineur dans les négociations. Donc dans les faits, la première version du plan, elle date de 1941. Mais Keynes l'a reformulée plusieurs fois suite aux discussions, qui sont d'ailleurs passionnantes, qu'il a eues avec les économistes de son entourage. Il est important de préciser que la mise en place du cadre institutionnel de Keynes ne réglerait pas tous les problèmes d'asymétrie internationale. Néanmoins, l'application du plan Keynes mettrait fin au risque de pénurie de liquidité internationale tout en retirant le pouvoir discrétionnaire de l'accès conditionnel aux infrastructures de paiement. Alors, le plan prévoit la mise en place d'une chambre de compensation qui épouse le principe bancaire. Les membres de la chambre disposeraient d'un compte auprès de ce qu'on appelle l'International Clearing Bank, qui enregistrerait automatiquement les positions de chaque membre, hein, position créditrice ou débitrice. Cette banque, hein, accorderait des découverts automatiques à tous les membres qui sont en position débitrice. Les problèmes de liquidité seraient donc résolus puisque la création de Bancor ne serait pas conditionnée à des dépôts préalables de la part des pays membres. Ce n'est pas comme un fonds qui a des dotations initiales, qui est limité ensuite en quantité, hein, par ces dotations. La création de Bancor se ferait ainsi sans aucun coût par le jeu de la comptabilité à partie double et serait déterminée par la demande, c'est-à-dire par les déséquilibres temporaires entre les nations participantes. La chambre de compensation agirait donc comme une agence centrale assurant le financement du commerce international le temps que s'opèrent les rééquilibrages entre débiteurs et créditeurs. Donc les débiteurs, ce sont les importateurs nets, les créditeurs, ce sont les exportateurs nets. Alors dit autrement, hein, dans un monde parfait où les exportations de chacun seraient compensées simultanément par ces importations, les soldes de Bancor seraient nuls. Le Bancor est un instrument de financement du commerce international, financement, hein, qui est remboursé à un moment par les exportations. Concernant le pouvoir de contrôle de l'infrastructure de paiement, l'instauration du plan Keynes pourrait être aussi l'opportunité de séparer le système de paiement internationaux de la portée directe des appareils gouvernementaux nationaux. Il ne s'agirait pas de créer une structure ingouvernable et irréformable, mais plutôt un organe dont la direction serait élue par ses nations membres et partagée par celles-ci. De cette manière, il serait impossible pour un membre de décider de manière unilatérale qu'un autre membre soit exclu des paiements internationaux, puisque l'International Clearing Bank serait en quelque sorte la banque centrale des banques centrales. Il s'agirait ici d'appliquer les principes de distanciation, ceux que j'ai évoqués tout à l'heure, hein, le principe que nul ne paye avec sa propre dette, et donc entre banques, on a une banque centrale qui sert de médiateur avec cette relation qui est un peu conflictuelle. Donc, et les, les nations se plieraient donc hein, par cette sorte de soumission volontaire hein, à cette International Clearing Bank. Alors paradoxalement, hein, l'avancée suggérée hein, dans ce sens par le plan Keynes, c'est aucunement un objectif de Keynes. Donc, je parle de cette deuxième direction, hein, la question du pouvoir de contrôle de l'infrastructure. Keynes n'a pas exprimé la volonté de développer un multilatéralisme et de favoriser la prise de décision collective hein, dans le concert des nations. Sur ce plan, Keynes était un fervent défenseur des intérêts britanniques et son objectif était surtout de réussir à ce que les États-Unis acceptent de faire asseoir le Royaume-Uni à leur table. Dans la première version de son plan, du 8 septembre 1941, Keynes écrivait « Je conçois la nouvelle banque créée comme amenée à l'existence, en première instance, par les États-Unis et le Royaume-Uni comme les fondateurs de ce club, et les autres membres seraient ensuite amenés à y prendre part. » Donc cette approche a l'avantage, je fais une traduction simultanée, cette approche a l'avantage pour les États-Unis et pour le Royaume-Uni d'établir des règles sans toutes les lourdeurs d'une conférence internationale. Et puis un peu plus loin, il écrit « Je conçois le management, donc la direction hein, et le pouvoir effectif de l'institution comme étant permanence anglo-américaine. Bon. » Donc voilà, hein, Keynes n'a pas une vision multilatérale au niveau hein, du contrôle de l'infrastructure. Mais par contre, il y a des possibilités qui sont positives. En fait, les problèmes de risque de déconnexion du système de paiement comme arme géopolitique, hein, c'était sans doute d'une importance secondaire à l'époque de Keynes. Aujourd'hui, avec la numérisation, avec les paiements qui sont sous forme digitale, etc., c'est beaucoup plus facile de déconnecter en réalité. Donc le système de paiement en dollars américains apparaît aujourd'hui bien plus nettement comme un instrument d'influence et de coercition hein, de la part des États-Unis. Néanmoins, il est tout à fait concevable d'imaginer un système de prise de décision interne à la chambre de compensation qui suivrait les principes du multilatéralisme à l'image des organismes onusiens aujourd'hui. Alors l'établissement de la chambre de compensation et son succès devaient reposer sur des règles internationales qui s'imposeraient à tous. Keynes était tout à fait conscient du dilemme important entre règles et discrétion, et il considérait d'ailleurs que c'était la question qui était peut-être la plus difficile à déterminer. Même si l'adhésion à la chambre de compensation internationale devait être comprise comme l'acceptation d'un certain nombre de règles automatiques, il s'agissait bien plus d'un partage de la souveraineté que d'une renonciation à celle-ci. Paradoxalement, c'est par l'instauration d'institutions et de règles communes que l'on peut limiter l'impact négatif de l'intégration internationale sur la souveraineté des économies nationales, des règles collectives toujours préférables dans un monde où les modalités d'adaptation à la contrainte extérieure se feront de toute façon, et au pire de manière asymétrique et désordonnée. Donc, comme l'écrivait François Fourquet, si les régimes internationaux peuvent être parfois considérés comme absents ou défaillants, cela dépend de la manière de les définir, le rapport international, lui, est toujours présent, toujours actif et toujours dominant. Au demeurant, la mise en œuvre du plan Keynes devrait très largement freiner les aspects les plus négatifs de la dynamique de la globalisation financière. Dans le cadre du plan Keynes, hein, il n'est pas question de mettre fin aux flux de capitaux, notamment à long terme, qui sont susceptibles de favoriser la réallocation des capitaux internationaux et le rattrapage économique de certains pays. Certains projets de réforme monétaire dans le sillage du plan Keynes ont précisé ces points pour inclure des dispositions permettant le financement du développement des pays en reconstruction ou en retard. Alors, je pense notamment aux fameux plans de Kalinsky et de Schumacher en 1943, qui étaient des économistes qui collaboraient avec Keynes. En revanche, le plan Keynes devra s'accompagner de contrôles pour assurer que les flux internationaux soient comptabilisés et intégrés dans la matrice de la chambre de compensation. Contrôle ne veut pas dire barrière, hein. Contrôle simplement, on a une matrice qui enregistre les flux, hein, qui comptabilise, et une opération de comptabilisation qui est de toute façon nécessaire pour la compensation. Donc, à minima, à des fins de comptabilité et de mise en attente dans le cadre de la procédure de compensation, chaque flux entrant doit être centralisé par les banques centrales. Alors, c'est une question pratique à laquelle Keynes avait songé, d'ailleurs. Pour lui, il était possible d'instaurer cette procédure de contrôle tout en conservant un régime économique permissif, évitant ainsi de basculer dans des régimes de contrôle total des flux économiques internes et externes qui caractérisaient de nombreux régimes dans les années 40. Hein. Bon, ça ne manquait pas à l'époque, hein, que ce soit les régimes qui étaient sous domination fasciste, nazie et soviétique. On était dans des régimes de contrôle total des flux internes et externes. Et en fait, toute l'Europe occidentale y était amenée dans les années 30 à travers des accords de compensation. Mais pour lui, on peut éviter d'être dans un régime de contrôle total, tout en mettant en place des contrôles nécessaires pour la compensation. L'instauration de la chambre de compensation n'impliquera pas de taxes, donc pas de coûts supplémentaires sur les transactions internationales. Ce n'est pas la taxe Tobin, hein, c'est vraiment fondamentalement différent. Si la mise en place d'une telle mesure ne devrait donc pas décourager la majeure partie des flux de capitaux, elle constituerait un obstacle pour les acteurs qui pratiquent diverses formes d'évasion fiscale, de blanchiment, qui ne souhaitent pas être vus dans les portiques de la chambre de compensation. Alors, en conclusion de cette communication, hein, toute pression concurrentielle est force de normalisation et de restructuration. En cela, au sein de la globalisation marchande et financière, les gouvernements sont très largement contraints, hein, déjà sont très largement contraints dans leurs choix politiques du fait de l'insertion de leur économie dans la globalisation. Cette note que nous avons donnée ici, hein, elle a cherché à démontrer que l'unilatéralisme du système monétaire international octroie à la puissance émettrice de la monnaie, les États-Unis, un avantage permettant d'influencer et même d'orienter les politiques économiques des pays qui font usage du dollar. Donc cet avantage, on l'a montré, passe par deux canaux, le contrôle du canal de la liquidité, celui des infrastructures de paiement. Dans l'optique de proposer un système monétaire véritablement international et multilatéral, ce papier a rappelé l'intérêt toujours actuel du plan Keynes, qui permettrait de rendre ces deux canaux tout à fait inopérants. Les implications qui en résulteraient pour la souveraineté des pays prenant part aux échanges sont énormes. Au regard des tensions actuelles sur le plan international, la réflexion sur la mise en œuvre d'un plan Keynes à l'échelle internationale présente un intérêt certain, et en particulier pour des économies comme la France. Merci beaucoup.